23-33, exercice test, perception du futur. Déterminez si les phrases que vous entendez sont au présent ou au futur. Cochez la case appropriée. 1. Vous trouverez. 2. Qu'est-ce que tu feras ? 3. Ah oui, vous trouvez ? 4. Je verrai. 5. Ça ira comme ça ? 6. Ça va comme ça ? 7. Je vois. 8. C'est bien ça. 9. Ça finira mal. 10. Mais non, ça s'arrangera. 1994, Yale University.